La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Le 14 juin prochain vont se dérouler les Journées nationales de l'archéologie, l'occasion pendant un week-end de participer à plus d'un millier de manifestations sur tout le territoire et de découvrir donc cette discipline, les coulisses du patrimoine et de la recherche archéologique. Avec mes invités qui sont bien sûr archéologues, nous allons plonger au cœur de cette science qui fait souvent rêver mais qui n'est pas toujours synonyme de trésor extraordinaire. À quoi ressemble vraiment ce métier d'archéologue, un chantier de fouilles? Quelles ont été les petites ou les grandes découvertes? Ce sont les thèmes de discussion de notre au carré dans un instant, avec bien sûr vos messages, vos questions que j'attends sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. À la une de la science aujourd'hui, des astronomes du monde entier inquiets et qui le font savoir. Et oui, ils craignent de ne plus pouvoir observer correctement le ciel à cause du milliardaire Elon Musk et de son projet Starlink. On vous explique pourquoi dans un instant. Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons la chronique de santé polémique du docteur Dupin consacrée aujourd'hui à la controverse autour des bienfaits des produits laitiers sur notre squelette. Frédéric Milano réalise cette émission qui a été préparée par Irène Menahem. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Un peu d'archéologie dans le dossier cet après-midi et pour en parler, je suis en studio à Paris avec Anne Leuve. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes auteur du livre L'archéologie aux éditions Que sais-je. Et puis en duplex des studios de France Bleu, Gare-Lozère à Nîmes, Jean-Paul Demoule. Bonjour. Bonjour. Vous publiez de votre côté Trésors, les petites et grandes découvertes qui font l'archéologie chez Flammarion. D'ailleurs, Jean-Paul Demoule, le trésor, c'est toujours le fantasme qui colle à la peau de votre discipline? Oui, bien sûr. C'est souvent le terme qu'on va trouver dans les journaux qui annoncent une fouille archéologique. On parle toujours de trésors. Et puis, bien sûr, c'est la grande figure de notre collègue Indiana Jones. Oui. Et Anne Leuf, il faut batailler contre ça aujourd'hui? Alors, il faut batailler parce qu'effectivement, la réalité de l'archéologie n'est pas celle-là. Il faut parfois aussi utiliser finalement ce mot et ce mythe et cet imaginaire pour expliquer ce que c'est réellement. Est-ce que vous avez trouvé beaucoup de trésors, vous, au cours de votre carrière? Non, j'ai pas trouvé Quel est votre bilan en matière de trésors? Mon bilan en matière de trésors va pas être très, très positif. Bon, et vous, Jean-Paul Demoule? Il y a des trésors intellectuels, certainement, puisque je travaille sur les débuts de l'agriculture et de l'élevage, qui était la grande question de l'humanité, mais il m'est arrivé avec mon équipe de fouiller, par exemple, des cimetières gaulois, où il y avait des choses qui pourraient se rapprocher d'un trésor. Oui. Voilà, mais il ne faut pas le dire. Anne Leuf, la patience, c'est l'une des grandes qualités de l'archéologue aussi? Oui, il faut effectivement prendre son temps, être minutieux, ne pas aller trop vite hein, et avoir de la patience. On est inscrit dans le temps long de l'histoire de l'humanité, donc il n'est parfois pas nécessaire et surtout pas indispensable de se bousculer. Oui. C'est vrai que la loi française interdit de fouiller dans son jardin? Oui, absolument. Alors ça, je ne savais pas. Ça, on n'a pas le droit, on ne peut pas décider parce qu'on va se construire, on va aménager son jardin, de creuser le sol et effectivement de fouiller. Une législation alors qui prend ses racines en 1941, interdit dès cette date de fouiller dans son jardin. On est propriétaire de son terrain, mais pas du sous-sol et de ce qu'il contient. Bon. Et donc voilà, il faut se soumettre à la loi et il faut une autorisation pour fouiller. Même si on a un trésor dans son jardin, même c'est si on affreux a... ça. Tout à fait. Jean-Paul Demoule, à qui appartient le passé? C'est l'une des questions abordées dans votre livre. Est-ce qu'il est aisé de répondre à cette question? Pas complètement, parce que c'est un passé qui est sans arrêt manipulé dans chaque roman national que chaque pays va se donner. Néanmoins, pour beaucoup de pays européens, notamment l'Europe centrale, méridionale, orientale, les objets archéologiques ou scandinaves, aussi les objets archéologiques appartiennent depuis longtemps à la collectivité, à l'État. Et en France, justement, comme la loi dont parlait Anne Leuf avait été promulguée sous Vichy, Vichy, attaché à la propriété terrienne, avait gardé l'idée que les objets découvert était pour moitié au propriétaire, moitié au fouilleur, à l'inventeur, comme on dit. Et il a fallu attendre 2016 pour que enfin la France s'aligne sur les la plupart des législations européennes et que le sous-sol archéologique, les objets archéologiques deviennent patrimoine public. Allez, on en parle dans un instant avec beaucoup de questions pour vous, de la part des auditeurs également, franceinter.fr, Jean-Paul Demoule et Anne Leherf. Vous êtes donc les invités cet après-midi de La Tête au Carré. Pour SpaceX, Starlink, c'est une opportunité de revenus qu'on utilisera pour faire des fusées de plus en plus avancées et des vaisseaux. C'est une première pierre importante dans l'établissement d'une ville autonome sur Mars et d'une base sur la Lune. Voilà, c'est la voix du milliardaire américain Elon Musk et son projet Starlink, qui inquiète beaucoup d'ailleurs les astronomes et les astrophysiciens. Et c'est aujourd'hui à la une de la science, Axel Villard. Qu'est-ce que Starlink d'ailleurs ? Eh bien Starlink, Mathieu, c'est la promesse de fournir à toute la planète une connexion Internet haut débit au moyen d'une flottille de 12 000 satellites en orbite basse. En ce moment même, 60 de ces petits joujoux sont en test autour de la Terre. Et le problème, c'est qu'ils brillent peut-être un peu trop. En tout cas, ce n'était pas prévu. Et l'Union Astronomique Internationale appelle hier à une régulation urgente autour du projet qui risque de mettre en péril les recherches et les observations dirigées vers le ciel. Pour en parler, nous sommes au téléphone aujourd'hui avec Sébastien Vauclair. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien de formation, gérant du bureau d'études Dark Sky Lab qui propose une analyse scientifique de la pollution lumineuse. Alors, Starlink est en test au-dessus de nos têtes depuis le 15 mai. Quand est-ce que les premiers problèmes ont été repérés dans le ciel ? Dès le début en fait, puisque dès le lancement, il y a eu des images faites par des astronomes amateurs, finalement dotés de moyens assez modestes, qui ont vu sans aucun problème cette constellation de satellites. D'ailleurs, il y a eu des messages d'inquiétude, des gens croyaient à une attaque extraterrestre ou autre. En général, il en faut bien moins pour impressionner un peu le commun des mortels qui a les yeux un peu levés vers le ciel. En tout cas, dans les endroits où on voit encore un peu le ciel, puisque la pollution lumineuse, évidemment, est un fléau assez répandu sur lequel on essaie de travailler de plus en plus, mais il suffisait de lever les yeux au ciel pour voir à l'œil nu ou avec des moyens d'imagerie très simples d'astronomes amateurs finalement ce chapelet de satellites très brillants, aussi brillants que des planètes, qui circulaient comme ça dans l'espace. Oui. Donc c'est vrai que ça nous a un peu surpris parce qu'on n'était pas vraiment informés au départ. Et puis quand on sait qu'il doit y avoir beaucoup plus que les 60 lancés au début, on est en droit de s'inquiéter évidemment. Alors en ce moment il y en a 60 qui volent au-dessus de nous, il y en a 12 000 de prévus. Pour comparer, combien est-ce qu'il y a d'étoiles visibles à l'œil nu dans notre ciel ? C'est une question un peu compliquée parce que dans notre ciel à nous en France, c'est bien rare d'avoir plus de quelques dizaines. Si vous êtes vous-même à Paris, je vous mets au défi de compter les étoiles la nuit. Mais on a tendance à dire qu'on va dire un œil humain à peu près normal dans un ciel de très bonne qualité sans pollution lumineuse doit être capable de voir à peu près 2000 étoiles. C'est-à-dire que 12 000 étoiles, c'est de toute façon bien beaucoup plus que ce que l'être humain est capable de voir comme étoile dans le ciel. Pourquoi est-ce qu'ils brillent ces satellites ? Est-ce que c'est un problème de confection ou simplement une place dans le ciel ? Pourquoi c'est un problème par rapport à tous ceux qui sont déjà au-dessus de nous ? Disons que les satellites eux-mêmes ne brillent pas forcément. En tout cas, j'y reviendrai, mais pas en termes d'ondes lumineuses. C'est plus qu'ils reflètent la lumière du soleil. Donc j'ai même vu que Elon Musk, par exemple, a dit qu'il allait modifier. C'est amusant de voir qu'il dit que d'une part les satellites ils gênent pas l'astronomie mais que quand même il va les modifier, donc c'est un peu ambigu. Toujours est-il que les satellites surtout reflètent la lumière du soleil évidemment puisqu'ils sont dotés de panneaux solaires ou de choses comme ça, comme tous les satellites finalement pour récupérer de l'énergie, et donc ils reflètent cette lumière et donc ils sont des petits points brillants dans le ciel qui bougent par rapport aux étoiles. Donc le problème de base essentiel c'est que si on fait des très longs temps de pause pour observer ou photographier les galaxies lointaines, et quand on a des espèces de machins qui traversent le champ de vision systématiquement pendant qu'on fait des pauses, ça perturbe tout simplement la prise de mesure pour l'astronomie amateur. Bon certes c'est un loisir dont pas mal de gens se contrebalancent gentiment, mais l'astronomie professionnelle c'est quand même quelque chose d'assez fondamental pour notre compréhension à nous en tant qu'humanité sur cette planète, pour savoir un petit peu d'où on vient, qu'est-ce qui nous entoure, éventuellement vers où on va, etc. Donc c'est des choses qui sont absolument fondamentales, et d'imaginer comme ça de laisser quelqu'un, certes tout milliardaire qu'il soit, c'est pas parce qu'il est milliardaire qu'il a tous les droits sur cette planète, c'est une planète qui nous appartient à tous, donc il y a pas mal de conséquences. Donc la pollution lumineuse en elle-même, j'ai envie de dire, même si je suis un grand défenseur de ce sujet, c'est pas forcément le principal sujet en réalité, puisque ce qu'on appelle pollution lumineuse, c'est vraiment la perturbation des écosystèmes, de l'humanité, de la faune, la flore, de la biodiversité terrestre. Et pour l'instant, on n'est pas encore sur ce genre de problème-là, puisque ça envoie pas suffisamment de lumière sur Terre pour perturber. Mais il y a d'autres pollutions, on peut parler de la pollution électromagnétique au sens large, et ce sont des satellites qui communiquent aussi par ondes radio. Vous avez parlé à la Tête au Carré il n'y a pas longtemps de cette fabuleuse découverte, l'imagerie d'un trou noir. C'est une imagerie qui a été effectuée à partir de télescopes, de radiotélescopes, en ondes radio. Et donc là, il faut savoir que la perturbation et la pollution radio de ces satellites Starlink va être bien plus importante finalement que la pollution lumineuse que ça peut engendrer. Donc ça pose des problèmes quand on fait des photos. Il y a aussi toute cette problématique de radio électromagnétique. Mais surtout, ce qui m'inquiète le plus, moi, personnellement, c'est que c'est la porte ouverte à toutes les hurluberlus qui vont vouloir faire tout et n'importe quoi. Mais justement, Sébastien Vauclair, qui donne l'autorisation d'envoyer comme ça un chapelet de satellites dans le ciel? C'est justement un peu le problème, c'est que là, si j'ai bien suivi, qui donne l'autorisation à Elon Musk, en gros, c'est Donald Trump, si vous voulez. C'est-à-dire que pour l'instant, tout ça, même s'il y a une espèce de droit de l'espace, mais qui date de bien des années, presque, je dirais, à l'époque de la guerre froide, ou en tout cas de la station Mir, c'est-à-dire qu'il y a une vague entente internationale pour dire qu'on va peut-être pas envoyer de l'armement directement, etc. Mais on se rend bien compte que des grandes puissances du spatial, mais on se rend bien compte surtout que, en gros, ça sert un peu à rien, sinon... comment on aurait pu laisser à une échelle internationale les Chinois une démonstration de force pour tirer sur un satellite pour prouver qu'ils étaient capables de détruire un satellite en orbite. Oui. Qui aurait pu autoriser ça s'il y avait une gestion, une législation internationale de l'espace? D'ailleurs, des Chinois, Sébastien Vauclair, avant qu'on termine, ils ont un autre projet qui vous inquiète aussi et qui suit cette histoire d'arrivée du privé dans le ciel. C'est ces miroirs qu'ils veulent déployer en orbite pour éclairer leur grande ville. Ça aussi, c'est un problème. Alors ça, je ne sais pas si c'est issu du privé, mais on peut effectivement s'inquiéter que si Elon Musk se lance là-dedans, des milliardaires, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a de plus en plus, et ils ont de plus en plus d'idées folles comme ça, donc on peut très bien imaginer tout et n'importe quoi après. D'ailleurs, la justification d'Elon Musk, c'est comme le disait votre extrait au début, c'est de pouvoir en gros gagner encore plus de sous pour pouvoir envoyer encore plus de trucs là-haut. Donc à un moment, il va quand même falloir réfléchir à tout ça, mais le projet auquel vous faites allusion, je pense que c'est plutôt un projet chinois au niveau... gouvernemental. C'est d'envoyer en fait... Alors c'est ce qui est, j'ai envie de dire rigolo, même si c'est vraiment pas le terme, mais c'est pour lutter contre la consommation d'énergie due à l'éclairage public. Oui. Donc moi, ça me plaît bien cette histoire-là, puisque l'éclairage public fait beaucoup de pollution lumineuse. Mais alors là, la solution trouvée, elle est un peu paradoxale, c'est que pour économiser l'énergie, donc pour plus éclairer les rues, ils ont tout simplement l'idée d'envoyer un espèce de miroir géant dans l'espace pour éclairer les villes la nuit en reflétant la lumière du soleil. Donc c'est une idée qui est pas nouvelle, puisque les Russes l'avaient déjà eu à la fin du 20e siècle, mais ils avaient peut-être compris que c'était difficilement réalisable, ou en tout cas un peu idiot tout simplement, j'ai envie de dire. Mais là, les Chinois, ils ont sorti ça sur le papier, mais là où ça devient inquiétant, c'est qu'avec les Chinois, c'est totalement réalisable. Et techniquement parlant, c'est tout à fait faisable. En gros, alors c'est des calculs à la grosse louche sur le coin d'une table, mais ça reviendrait à déployer une espèce de voile solaire réfléchissante de l'ordre de la taille d'un terrain de foot, ce qui est largement faisable aujourd'hui avec des moyens actuels. Donc le fait de laisser quelqu'un comme Elon Musk aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est très fort pour faire du buzz, envoyer une voiture dans l'espace, tout ça, ça pose évidemment plein d'autres problèmes de pollution, on n'a plus assez de place pour polluer la Terre, donc on va aller polluer là-haut déjà. Mais si on commence à laisser ça, et puis qu'il n'y a pas du tout de législation de l'espace au niveau international, ça veut dire qu'on peut tout et on peut faire tout et n'importe quoi, y compris éclairer les villes en envoyant des miroirs géants là-haut. Et là, pour le coup... Très vite, on termine, s'il vous plaît, Sébastien Vauclair. ...sur Terre, avec énormément d'impact très négatif pour tout le monde et pour les êtres humains en premier. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes gérant donc de ce bureau d'études Dark Sky Lab qui propose une analyse scientifique de la pollution lumineuse. Merci pour cet éclairage, justement. Et Axel, on se retrouve demain. À demain, Mathieu. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité des sciences, toujours dans le ciel, la photographie d'un double astéroïde lors de son survol de la Terre le 25 mai dernier. Bien que ce bolide ne soit pas en soi un objet menaçant, les scientifiques ont profité de son passage pour répéter la procédure à mettre en œuvre en cas d'objet géocroiseur dangereux. Sphere, l'un des très rares instruments au monde capable d'obtenir des images suffisamment nettes pour distinguer les deux composants de l'astéroïde, a été mobilisé. Sur la photo obtenue, on repère facilement donc une toute petite lune à côté de l'astéroïde. Les deux sont éloignés seulement d'environ 3 km. et l'image un peu floue est à voir sur la page Facebook de La Tête au Carré. Les jumelles chinoises génétiquement modifiées au mois de novembre pourraient avoir une espérance de vie plus basse que la moyenne. Nées en début d'année en Chine avec un ADN supposé les rendre plus résistantes au virus du sida, ces deux jeunes enfants qui n'ont rien demandé auraient 21% de risque en plus donc de mourir avant 76 ans. Ces résultats d'une étude parue cette semaine dans la revue Nature donc, ont été publiés. Aujourd'hui, dans les pays développés, une personne atteinte du sida a une espérance de vie quasi similaire, toutes causes confondues, au reste de la population de son âge. Et puis la crevette tueuse qui fait peur à toutes les autres. Depuis 30 ans, une espèce invasive de crevette a fait son apparition dans quasiment tous les fleuves d'Europe. Dicherogammarus villosus, c'est son nom. En plus de manger ses congénères, perturbe leur existence rien que par son odeur. Une équipe de chercheurs montre cette semaine que ces proies de petites crevettes mangeuses de litière et de feuilles mortes sont 20% moins efficaces dans leur journée lorsqu'elles sentent la présence de la méchante crevette tueuse. On parle archéologie dans un instant. La musique soul, c'était Françoise Hardy. La Tête au Carré, Mathieu Vidard. Deux archéologues avec nous cet après-midi, Anne Le Herf et Jean-Paul Demoule. À l'occasion des Journées Nationales de l'Archéologie, on prend un tout petit peu d'avance, hein, ce sera le 14, 15 et 16 juin prochain, et puis aussi à l'occasion quand même de la publication d'ouvrages respectifs. Anne Le Herf, vous êtes professeure des universités en proto-histoire européenne à Lille, et vous êtes présidente du Conseil National de la Recherche Archéologique, et donc vous publiez aux éditions Que sais-je, l'archéologie, sobriété absolue dans le titre. Et puis Jean-Paul Demoule, vous êtes professeur émérite de proto-histoire européenne à l'Université l'Université de Paris, un Panthéon-Sorbonne, ancien président de l'INRAP. Et de votre côté, c'est un autre ouvrage, Trésor, les petites et grandes découvertes qui font l'archéologie et qui paraît chez Flammarion, avec déjà des questions pour vous, des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Anne Leherf, vous avez été étudiante de Jean-Paul Demoule, c'est bien comme ça que ça s'est passé. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous spécialiser dans cette période de la protohistoire européenne? J'aimais l'idée de le développement d'une société d'agriculteurs, d'éleveurs. Pour ma part, la fascination du développement de l'artisanat, de la métallurgie, des alliages cuivreux, dans lesquels je me suis spécialisée. Donc voilà, c'est une combinaison entre des sujets, des cours, des expériences de fouilles archéologiques. Voilà, tout ça qui fait qu'on arrive. Et c'est le professeur Demoule qui vous a donné envie quand même de continuer dans cette voie? Il a été un de mes professeurs, effectivement, de licence. Bon, et vous, Jean-Paul Demoule, comment on se spécialise alors en archéologie? Parce qu'il y a quand même un vaste choix. Moi, c'est ça date de l'enfance, hein, comme beaucoup d'enfants, mais la plupart des enfants changent d'avis ultérieurement. Et j'étais plutôt intéressé par l'archéologie grecque à l'origine. Mais c'est quand j'ai commencé à en faire pour me préparer l'école française d'Athènes que, à l'époque, au début des années, à la fin des années 60, c'était une forme d'archéologie extrêmement ennuyeuse, centrée uniquement sur les monuments, les statues, etc. Et donc je me suis dit, mais il y avait quoi avant? et donc je me suis réorienté très vite sur ce qu'on appelle classiquement dans notre jargon la proto-histoire, c'est-à-dire cette période qui va de l'invention de l'agriculture et l'élevage jusqu'aux premières villes, aux premiers états. Et c'est cette fameuse révolution néolithique qui a tout changé dans le destin de l'humanité. Sinon, on serait toujours de paisibles chasseurs que Ouais. Anne Leherf, que sais-je, n'avait jamais publié encore d'ouvrage sur l'archéologie? Alors, que sais-je, j'avais publié en 1964 une histoire de l'archéologie, mais pas de manuel, on va dire, pas de synthèse sur une vision globale de l'archéologie. Donc ça, c'est un livre à offrir, par exemple, aux jeunes gens comme le fils d'Arnaud qui nous écrit et qui a 10 ans et qui souhaiterait devenir archéologue. Il peut lire déjà ce que sais-je? À 10 ans, je pense que ça va être un petit peu difficile. Je pense que à partir du lycée, c'est plus simple. 10 ans, cela dit, il existe d'excellents ouvrages de vulgarisation. Mais son père qui est chercheur peut lui lire. Alors son père qui est chercheur, voilà, tout à fait. Il nous envoie ce message, il nous dit, voilà, mon fils a 10 ans, il rêve de devenir archéologue, mais j'ai peur qu'il connaisse comme moi, chercheur, la frustration de ces bacs plus 8 mal payés et mal considérés. Où en est le ratio motivation-frustration des archéologues, demande Arnaud. Qu'est-ce que vous lui répondez? Alors si moi je réponds pour ma part, ben je ne pourrais pas dire qu'effectivement je suis une archéologue frustrée de la pratique de l'archéologie. Je vis très bien effectivement le fait d'être archéologue, d'être professeur d'archéologie. Cela étant, je peux comprendre que des parents se préoccupent effectivement de savoir s'il peut y avoir des débouchés en archéologie. Il y en a, et l'archéologie est d'ailleurs une discipline dans laquelle, en France, les archéologues sont des acteurs un peu vieillissants, étant donné l'histoire de l'archéologie. Donc la pyramide des âges va faire qu'il va devoir y avoir un renouvellement des générations en archéologie. Donc on peut être optimiste. Et c'est Bac plus 8 C'est pas forcément Bac plus 8. Quand on a une thèse, on a effectivement Bac plus 8, on peut avoir une licence d'archéologie, on peut avoir un master, auquel cas on est à Bac plus 5. Voilà, on n'est pas forcément, nécessairement obligé d'aller jusqu'à Bac plus 8, en tout cas pas tout de suite. Jean-Paul Demoule, rassuré, ce père de famille qui s'inquiète pour son fils. Quand j'ai commencé, quand j'étais jeune enseignant à l'université, il y avait 600 archéologues professionnels en France, dont au moins la moitié travaillait pour l'archéologie française à l'étranger. Oui. Maintenant, il y en a plus de 4000, donc les débouchés n'ont cessé de s'étendre. Ce qui est vrai, c'est qu'il y en a beaucoup moins qui travaillent à l'étranger, puisque les conditions géopolitiques sont de pire en pire. Oui. Mais en revanche, en France, l'archéologie dite préventive, celle avant les grands travaux, s'est énormément développée. Ça emploie à peu près les deux tiers actuellement des archéologues. Et moi, à titre personnel, je ne connais pas de bons étudiants qui n'aient pas fini par trouver du travail. Évidemment, c'est moins bien payé que trader en bourse, mais c'est sans doute plus intéressant. C'est bon, nos auditeurs jugeront évidemment. aujourd'hui, Anne Leherf travaillait justement sur des terrains en guerre. c'est très compliqué, évidemment. Et il y a même des pays où on ne peut plus du tout pratiquer ce métier. Hein. Oui, il y a des pays où, effectivement, les archéologues ne peuvent plus avoir accès au terrain parce que d'autres urgences et d'autres actualités ont effectivement pris le relais. Les archéologues, dès qu'ils le peuvent, reviennent sur les terrains en guerre, accompagnés évidemment par les populations locales. Ça fait partie des responsabilités aussi de suivre ce qui se passe après. Paul demande sur franceinter.fr, est-ce que l'archéologie a démystifié ses idées reçues ? Elle essaye. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord cette question ? Ça veut dire que je pense que c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est la question du trésor dans sa définition classique, c'est-à-dire la pièce de monnaie, ça veut dire le vase en or, ça veut dire des figures aussi mythiques effectivement que Indiana Jones. Ça fait partie des mythes de l'archéologie. Les archéologues utilisent d'une certaine manière ces mythes et essaient aussi de faire comprendre que l'archéologie, ça n'est pas cette réalité-là, que nos trésors se trouvent plutôt dans des réalité plus modeste et rejoignent la connaissance qui est en soi évidemment un trésor. Parfois, il est difficile de lutter contre le mythe qui est tenace parce que les gens finalement ont envie de commencer par là. Et donc, ils s'accrochent à cette idée-là. Et puis, c'est bien, c'est un métier qui fait rêver aussi. C'est un métier qui fait rêver. Donc, c'est pour ça qu'on, d'une certaine manière, on l'utilise et on explique qu'en même temps que c'est pas ça. Mais on l'utilise. Indiana Jones fait partie de nos fondamentaux. Aussi. On va écouter justement la voix de l'historien et archéologue Alain Schnapp, avec lequel vous avez largement travaillé, Jean-Paul Demoule, et même publié un livre avec Dominique Garcia, Une histoire des civilisations. On l'écoute nous donner sa définition de l'archéologie. Je vais tenter, dans les quelques minutes que nous allons passer ensemble, de réfléchir avec vous sur le statut de la connaissance du passé. Mais il y a bien des manières de parler du passé, et la part qui m'intéresse est une part matérielle, celle des traces physiques que les hommes, des plus anciens ou plus récents, ont pu laisser dans l'histoire. Cet itinéraire compliqué, différent, parfois bizarre, par lequel les hommes ont redécouvert le passé et se sont posé la question de l'utilité et de la fonction du passé. Nous avons la certitude que le passé est une part de nous-mêmes, une composante si intime et si forte de notre mémoire personnelle et collective qu'une société ou un individu privé de mémoire serait comme mutilé, sans repère. Et pourtant, nous acceptons cette évidence que la mémoire doit faire une part à l'oubli, car à se charger de trop de souvenirs, elle pourrait nous empêcher de vivre. Voilà, il y a plein de matière à réflexion dans ces propos d'Alain Schnapp. Jean-Paul Demoule, est-ce que pour distinguer justement l'histoire de l'archéologie, on peut dire finalement l'histoire c'est l'étude des textes et l'archéologie l'étude des vestiges matériels, ou c'est un résumé grossier ? Vous pouvez dire que c'est grossier, hein ? Je vous en voudrais pas. Tout à l'heure, l'animateur de l'émission précédente avait justement plaisanté avec vous au moment de la transition Jean Lebrun. Rapports entre l'archéologie et l'histoire. Jean Lebrun, voilà. Oui. C'est vrai que pendant longtemps, pour les historiens, la vérité c'était les textes et l'archéologie c'était juste pour illustrer les textes. On disait l'archéologie est une discipline auxiliaire de l'histoire. Et puis, depuis quelque temps, on s'est aperçu que les textes, suivant la formule consacrée, sont à la fois partiels et partiaux. Partiels parce que on n'en a que depuis 5000 ans, c'est-à-dire rien du tout et seulement une toute petite partie du monde, l'Égypte, la Mésopotamie, un peu plus tard la Chine, et que d'autre part, ça ne parle que d'une toute petite partie de la vie sociale, les hymnes religieux, les hauts faits des rois, etc. Donc tout ce qui concerne la vie quotidienne, les techniques, l'économie, l'hygiène, etc., les dominés, les invisibles, tout ça, on ne peut l'avoir que par l'archéologie. Si bien que maintenant, la définition qu'on peut raisonnablement donner de l'archéologie, pour reprendre les propos d'un Schnapp à l'instant, c'est une discipline qui étudie les sociétés humaines, quelle que soit leur ancienneté, à travers leurs vestiges matériels. L'histoire, effectivement, c'est à travers leur

C'est-à-dire ça a commencé, on va dire, les plus hautes périodes de l'Antiquité, pour faire très court. En tout cas, les traces, oui. Pour, en tout cas, faire des traces qui sont attestées comme étant le geste qui va vers l'introspection du terrain. Pour les sociétés, évidemment, qui n'ont pas laissé de traces écrites, on ne sait pas si le regard dans le sol s'accompagnait d'une réflexion sur, justement, une mémoire du passé. Cela étant, l'archéologie, on va dire, plus scientifique, s'est développée beaucoup plus tardivement. Discipline, on peut dire les choses comme ça ? On peut dire les choses comme ça, oui. C'est-à-dire que la discipline a accompagné, on va dire, la Renaissance, les travaux d'ailleurs déjà, les grands travaux au moment de la Renaissance, le collectionnisme, où on accumulait différents vestiges du passé, dont des antiquités au sens le plus large. Des statues dans le monde antique. Et puis, véritablement, on va dire, l'archéologie telle qu'on la pratique aujourd'hui s'est structurée en parallèle des autres disciplines à partir du 19e siècle, à travers également des découvertes de sociétés extrêmement anciennes. On parlait tout à l'heure de la question des textes ou pas les textes. On est effectivement dans un regard croisé et complémentaire des traces du passé. À partir du 19e siècle, on a découvert la préhistoire, c'est-à-dire une histoire de l'humanité qui, elle, ne disposait d'aucun texte. Oui, c'est ça. Et ça, ça fait quand même une rupture très forte. C'est ça qui marque le début de l'histoire, d'ailleurs. C'est le texte, au fond ? C'est l'écriture ? Alors moi, je serais partisane de dire que l'archéologue est un historien à part entière. Nous réfléchissons à l'histoire de l'humanité avec une documentation qui est une documentation matérielle, mais on est en complémentarité, on n'est pas en opposition. Sur les périodes les plus récentes pour lesquelles l'archéologie s'est développée ces dernières années, quand on a des textes, on utilise des textes. Et puis l'archéologie va apporter d'autres sources de connaissances, un autre regard sur d'autres sujets, et pour essayer d'avoir une vision finalement la plus complète, elle ne sera jamais exhaustive, mais la plus complète et la plus intéressante possible, on croise les données, on croise les sources. Et ça, c'est effectivement une démarche qui est une démarche scientifique à laquelle qui s'est développée relativement récemment et dans laquelle on est aujourd'hui pleinement. Jean-Paul Demoule, vous qui titrez ce livre autour des trésors chez Flammarion, Marc demande sur franceinter.fr s'il reste encore des fouilles archéologiques qui n'ont pas livré leur mystère. Bien sûr, partout dans le monde, on estime que si on reste sur le territoire français, il y a à peu près entre 5 et 10 millions de sites archéologiques potentiels. Et donc, on peut faire la même extrapolation sur toutes les parties les plus habitables du globe. Le problème, c'est que ce patrimoine, il est soumis à une érosion très rapide, puisque chaque année, on aménage, on bétonne, on artificialise, comme on dit en France, à peu près 500-600 km², c'est-à-dire la surface d'un département français tous les 10 ans. C'est une question d'auditeur, d'ailleurs. C'est David qui nous demandait ce qu'il en était de l'érosion sur des sites qui disparaissent de par le monde. C'est un vrai problème, ça, aujourd'hui? Oui, c'est un problème considérable avec l'explosion de la démographie humaine et aussi avec le développement économique, c'est-à-dire qu'on fait de plus en plus d'autoroutes, de plus en plus de voies de chemin de fer, de TGV, de construction, etc. Donc tout ça va très vite. En Europe, on a, comme c'est une région riche, on a une archéologie préventive qui tient à peu près la route avec un certain nombre de problèmes, mais dans les pays moins riche, c'est effectivement catastrophique, même dans les pays émergents. La Chine, qui fait 17 fois la surface de la France, a deux fois moins d'archéologues, par exemple. Donc on peut imaginer tout ce qui part dans les bennes ou sous les lames des bulldozers. Anne Hörf, l'archéologie, ça n'est pas non plus que les objets, ce sont aussi des espèces humaines découvertes. Et puis ça n'est pas que la Terre, mais c'est aussi l'eau. Oui. On peut faire de l'archéologie dans tous les milieux. Oui, il faut effectivement... Alors l'archéologie terrestre est une archéologie importante, c'est une archéologie qui est visible, parce que justement quand on construit au cours d'un chantier, on va effectivement voir véritablement ce qu'il y a à voir. Il y a aussi tout le domaine maritime qui est immense et qui est un espace qui a été traversé par les hommes, donc avec des épaves. Et comme les variations climatiques, et c'est une très longue histoire, ce sont également des espaces qui un jour ont été des espaces qui n'étaient pas recouverts par l'eau. Et donc il y a tout un ensemble de lieux qui sont aujourd'hui des lieux potentiellement d'une archéologie pour laquelle on pourrait trouver des traces d'occupation humaine. On peut parler de chantier de fouilles dans ces cas-là ou pas? Alors c'est une archéologie, on parle d'archéologie sous-marine ou subaquatique, qui sont donc et la France est un pays très à la pointe de cette archéologie-là, et on a le deuxième domaine maritime au monde. Ouais. Donc on a quand même là un potentiel absolument immense. Donc là, c'est une spécialisation au sein même de votre discipline. C'est une spécialisation puisqu'il faut être à la fois archéologue et il faut également être plongeur. Bien sûr, donc c'est chouette ça pour ceux qui aiment ça. Voilà. Très bien. Jean-Paul de Moulouis, les espèces humaines dont on parle régulièrement, les nouvelles découvertes, Floresensis, Luzonensis aux Philippines par exemple, là aussi c'est dans le domaine de l'archéologie ? Oui, bien sûr, ça dépend si on considère que on commence que l'histoire et l'archéologie commencent avec les premiers humains. Donc les premiers humains, c'est actuellement 6-7 millions d'années. La séparation avec les autres primates, c'est à peu près 10 millions d'années. Même si, effectivement, des objets matériels certains, fabriqués par des humains, on l'en connaît jusqu'à présent qu'à partir des Australopithèques, à partir de 3,5 millions d'années à peu près. Mais ces nouvelles espèces humaines, de toute façon, elles sont relativement récentes, entre guillemets, l'homme de Flores comme l'homme de Luçon là, qui ne date que de quelques semaines. Oui. C'est la découverte vivait entre 50 000 et 100 000 ans. Mais c'est vrai que c'est un des domaines où il y a eu le plus de révolution ces dernières années. On peut parler de trésor quand même quand on découvre une nouvelle espèce humaine ou un squelette très ancien. Là quand même, on est dans le trésor. Voilà. Là, c'est pas Yersuio qui a le terme. On est dans le trésor. C'est ce que j'ai repris dans mon livre, effectivement, à la fois clin d'œil mais réalité. C'est effectivement des trésors scientifiques qui étaient insoupçonnés. On n'imaginait pas qu'il y avait autant. Donc c'était un buissonnement et pas une file indienne d'hommes blancs mâles l'un derrière l'autre, mais que c'est un buissonnement et des entrecroisements puisque vous et moi et Anne Loerf avons tous des gènes de Néandertal exemple. C'est vrai, c'est vrai. Allez, on se retrouve dans un instant, suite et fin de notre discussion autour de l'archéologie, puis bien sûr vos questions sur franceinter.fr. Street. Karen O avec Danger Mouse, c'était Ministry. La tête au carré. À Lavaux, près de Troyes, la fouille de l'ensemble funéraire celte est presque achevée. Une partie du terrain a été rendue à l'aménageur. Les archéologues se concentrent maintenant sur la tombe princière, joyau de la fouille, pour en analyser chaque vestige. La première chose, c'est que ce dépôt, il reprend les standards funéraires mis en place au début du Hallstatt final avec la tombe de Hordorf, c'est-à-dire la présence d'un char, la présence de parures en or, et puis également la présence de vaisselle en bronze d'importation. Ces trois éléments, ici, sont caractéristiques des tombes princières de la fin du Hallstatt. Voilà la voix de Bastien Dubuis, archéologue, un film de l'INRAP en 2015. Il est responsable d'opération justement à l'INRAP sur le site de Lavaux près de Troyes. Et là, Anne Le Herf, on parle bien de trésor. Expliquez-nous en quoi d'ailleurs ce site et ses découvertes ont été importantes. Alors c'est une tombe effectivement de la fin de l'âge du fer. Et on est, on va dire, dans la définition plus classique du trésor, parce que la tombe est prestigieuse, c'est quelqu'un d'important dans la société. Mmh. Et puis il est accompagné dans cette dernière demeure par du mobilier exceptionnel, dont de l'or, du métal, des vases d'importation grecque. Bon, voilà. Donc on est effectivement dans l'exceptionnel. On est dans l'exceptionnel. On n'est pas dans la maison modeste, le trou de poteau néolithique. Ouais. Jean-Paul Demoule, vous l'évoquez justement dans votre livre, qui réunit d'ailleurs des chroniques que vous avez écrites pour Archéologia, les fastueuses tombes celtiques et cette tombe de Lavaux. Oui, bien sûr, c'était une des grandes découvertes et ça a permis aux élus locaux au début qui se plaignaient du coup des fouilles archéologiques de s'apercevoir que finalement l'archéologie pouvait avoir du bon, et il y a une excellente exposition actuellement itinérante justement sur cette archéologie de la région champenoise, de la région troyenne. Oui. Donc ça permet de voir aussi, ça illustre les circulations de biens de prestige depuis l'Italie du Sud jusque dans le bassin parisien, de montrer comment les élites gèrent leurs biens, et en même temps c'est une période qui ne va durer que quelques générations et après qui s'effondre, et qui permet de voir aussi en négatif, puisque après il y aura plus de trésors, que il y a eu régulièrement des mouvements de résistance, quelle que soit leur cause, à cette émergence de pouvoir trop important. Anne Le Herf, l'archéologie, alors évidemment, ce sont les temps anciens et ce passé que nous évoquons ensemble, mais l'archéologie, c'est aussi le monde contemporain, il ne faut pas l'oublier. Alors, on est effectivement aujourd'hui de plus en plus avec le développement d'une archéologie qui concerne des périodes récentes, voire extrêmement récentes. Alors, par exemple, l'archéologie, on va fêter le débarquement demain. Il y a une archéologie, par exemple, du débarquement en Normandie qui permet d'avoir un aspect de cet épisode majeur de l'histoire du XXe siècle sous l'angle archéologique. Voilà, ça fait partie des exemples très contemporains et même complètement d'actualité pour nous. Donc ça élargit le champ des possibles aussi dans votre discipline. Ça donne finalement une position à l'archéologie qui n'a plus de limites ni chronologiques ni géographiques. Elle est partout, sous la terre, sous les eaux, et elle va à partir du moment, des origines de l'homme jusqu'à l'objet qui a été sorti de son utilisation pratiquement hier. Ouais. Jean-Paul Demoule, aujourd'hui d'ailleurs, est-ce que les outils ont beaucoup changé? Est-ce qu'ils se sont énormément modernisés? Est-ce que de nouvelles technologies arrivent aussi pour donner un sérieux coup de main aux archéologues? Oui, il y a sans arrêt des progrès dans la collaboration entre l'archéologie et les nouvelles disciplines scientifiques. Du point de vue technique, par exemple, il y a ce qu'on appelle le LIDAR, qui est un radar transporté par avion qui permet de percer la végétation et qui a permis de découvrir des villes entièrement insoupçonnées au Cambodge ou chez les Mayas. Et dans les disciplines les plus récentes, il y a la génétique, par exemple, qui maintenant est capable d'identifier de la ADN ancien. C'est comme ça qu'on a identifié cet homme de Denisova, qui était l'équivalent de Néandertal pour l'Asie. Donc ça demande une collaboration très proche, parce qu'il faut quelquefois, les scientifiques des autres disciplines ont tendance à exagérer leurs résultats, mais c'est indéniable qu'on ne cesse de progresser presque chaque année. Paul demande ceci, est-ce qu'il n'y a pas une des formes de colonialisme à venir faire des fouilles dans des pays étrangers et à ne pas restituer ce qu'on trouve, Anne Le Herf? Alors c'est une question compliquée parce que c'est une question qui est à la fois liée à l'histoire de l'archéologie, à l'histoire du colonialisme tout court. Aujourd'hui, on a un regard évidemment qui est complètement différent de celui qu'on a pu avoir au moment au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, lorsque les Européens se pensaient les maîtres du monde. Donc on a changé notre regard là-dessus. Ensuite, c'est extrêmement compliqué parce que ça fait partie de l'histoire de la recherche elle-même et en même temps, il faut tenir compte éventuellement des demandes, des besoins de gens qui ont l'impression d'une certaine manière qu'on leur a pillé leur patrimoine. Donc c'est une question extrêmement délicate. Il y a des études qui sont faites, il y a des rapports, il y a un dialogue. C'est quelque chose. Le patrimoine est le patrimoine de l'humanité. À un moment donné, il a un endroit. Certaines personnes sont venues le chercher. Je crois que le débat est extrêmement actif sur le sujet et il faut qu'il le soit. Oui. Et puis la législation, si on peut en dire un tout petit mot, Jean-Paul Demoule, parce que l'émission touche à sa fin, donc on n'a pas le temps de développer, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est très encadré dans l'archéologie. On le disait tout à l'heure avec Anne Lehoff, on n'a pas le droit, par exemple, de fouiller dans son jardin, mais tout est comme ça, évidemment. Oui. Oui, bien sûr, mais c'est seulement depuis 2001 qu'il y a une loi qui encadre l'archéologie préventive, qui fait que les aménageurs doivent participer aux fouilles, mais en même temps on a ensuite une modification de cette loi qui permet une forme de concurrence économique entre les institutions de recherche d'État et puis des entreprises privées, y compris des entreprises d'archéologie low cost qui vont casser les prix et faire que les conditions de travail et aussi les conditions de recherche et de publication se détériorent actuellement de manière assez préoccupante. Alors Anne Lehoff, pour terminer évidemment ces journées nationales de l'archéologie, 14, 15, 16 juin prochain, 3 jours en France et en Europe d'ailleurs. Hein. Oui, tout là à aussi fait. Ça s'est étendu. Tout à fait, c'est la 10e édition des JNA, Journée nationale de l'archéologie, et pour la première fois effectivement le concept a été exporté en Europe. Ouais. 17 pays rejoignent la dynamique sur plus de 400 lieux, ce qui va permettre effectivement d'aborder à l'échelle européenne l'archéologie par le citoyen en général, avec des initiatives extrêmement variées et Est-ce créatives. Est-ce qu'on pourra aller sur les chantiers de fouilles directement, voir un peu ce qui s'y passe hein? Alors ça fait partie effectivement des possibles, il y en a bien d'autres, mais ça fait, les chantiers sont ouverts, les musées sont ouverts, il y a des cafés archéo, des banquets, des rallyes. Des banquets? Oui, oh, des banquets. À la gauloise. Voilà, donc il y a une inventivité, une créativité des villages archéologiques autour de cette ouverture de l'archéologie auprès du public de tout âge et de tout horizon. Voilà, c'est l'occasion de rencontrer les chercheurs. C'est l'occasion de rencontrer les chercheurs, de comprendre un peu mieux ce qu'est l'archéologie. Il y a un site qui permet d'avoir toutes les informations, journée-archéologie.fr, qui permet d'avoir la liste de tous les lieux en France et en Europe. Eh bien bravo, vous faites ça très très bien Anne Lehoff, bravo. Avec donc ces dates 14, 15 et 16 juin prochain. Merci beaucoup à tous les deux. Vous signez Anne Lehoff, l'archéologie chez Que sais-je, et Jean-Paul Demoule, Trésor au pluriel, les petites et grandes découvertes qui font l'archéologie, c'est passionnant, et c'est chez Flammarion. Merci beaucoup à tous les deux, et merci aux équipes de France Bleu, Gare Lozère à Nîmes pour ce duplex. France Inter, santé polémique, avec le docteur Dominique Dupagne. Attention, je vais piquer. Bonjour Dominique. Bonjour Mathieu. Une étude relance la controverse sur les vertus des produits laitiers sur notre squelette. Oui Mathieu, la consommation de produits laitiers est recommandée avec vigueur par le Programme National Nutrition Santé en tant que source de calcium pour notre squelette. Or, si le lait reste essentiel chez les jeunes mammifères humains, sa recommandation chez l'adulte est controversée. Alors bon, le débat scientifique est impacté par la collision entre des intérêts économiques considérables, des éléments gastronomiques comme nos fromages et surtout le succès croissant du véganisme et de l'antispécisme. Alors, quoi de neuf ? Eh bien, la science tente de nous apporter des réponses via notamment la publication récente d'une synthèse des travaux sur l'impact des produits laitiers sur l'ostéoporose, ce vieillissement des os qui les rend plus fragiles. Alors, qu'est-ce qu'on y apprend ? Eh bien, c'est compliqué. Parce que apprécier avec certitude l'intérêt des laitages nécessiterait une étude randomisée, le standard scientifique pour évaluer l'effet d'une stratégie médicale. Mais une telle étude nécessiterait de persuader plusieurs milliers de sujets d'être tirés au sort pour consommer ou au contraire éviter les produits laitiers pendant 10 ans, c'est quasiment infaisable. Alors, comme pour beaucoup d'aliments, nous n'avons pas de certitude et deux voies s'ouvrent alors aux médecins. Tout d'abord, se taire. Ça a l'air bête comme ça, mais c'est pas une mauvaise chose. C'est un conseil qui va toucher des millions de gens et le silence est souvent une option sage, à défaut d'être valorisante bien sûr. Alors, la deuxième voie, qui est donc presque toujours choisie, consiste à se contenter d'études peu fiables, à faute de mieux, pour avoir quand même quelque chose à dire sur l'intérêt des laitages pour nos os. Bah oui. Je reviens donc à cette excellente synthèse publiée en mars dans la revue Critical Preview in Food Science and Nutrition, qui montre que les études disponibles donnent des résultats contradictoires. Les laitages se révèlent tantôt protecteurs, tantôt délétères pour nos os. Et alors, ce qui est intéressant dans ce travail, c'est que les auteurs ont séparé les études qui ont analysé en deux groupes, les peu fiables et les presque fiables, puisque je vous rappelle que nous n'avons aucune de véritablement fiable. Bon, on fait quoi alors? Les peu fiables vont plutôt dans le sens d'un effet positif des produits laitiers, alors que les presque fiables vont dans le sens contraire, en montrant une augmentation du risque de fracture proportionnelle à la consommation de laitage. Et donc, Tout ça n'est pas très emballant. Et on fait quoi? On devrait commencer par se taire, puisqu'on ne sait rien. Et les gens pourraient alors faire ce qu'ils veulent en fonction de leur goût et de leur conviction. Il faut arrêter de croire que la science sait répondre à toutes les questions concernant les vertus des aliments. La part d'incertitude reste colossale. La seule chose certaine, c'est que l'alimentation française va de pair avec une longévité très supérieure à la moyenne. Il est donc urgent de ne rien changer. Merci Dominique, à la semaine prochaine.